De retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1. La semaine dernière, une enquête faite par une journaliste de la presse a révélé que des centaines de scientifiques canadiens fraudaient leurs résultats, détournaient des fonds ou copiaient des écrits. Alors, pour nous en parler, j'ai avec moi Mélanie Jean. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Mais oui, des inconduites scientifiques, il y en a de plus en plus qui sont maintenant rendues publiques et ça relève un manque d'intégrité chez certains chercheurs. Et malheureusement, les scientifiques qu'on peut dire malhonnêtes, On s'est rendu compte qu'ils privent la société de millions de dollars. Et on pense que tous les scientifiques sont des modèles de rigueur. C'est malheureusement pas toujours le cas. Mm-hmm. C'est ce que cette étude a révélé. Les données révélées par la presse démontrent que près d'une centaine de scientifiques canadiens ont été punis pour malhonnêteté. Et est-ce qu'on sait combien de délinquants sévissent encore au Canada? Bien, au cours des 5 dernières années, le nombre de chercheurs qui a été sanctionné annuellement a augmenté de quand même 54%. Ils avaient fabriqué, ils avaient falsifié ou ils avaient même détruit des données. Les autres, ils avaient soit menti dans leur demande de subvention, ils avaient détourné des fonds publics, ils avaient plagié ou ils avaient bâclé leur travail. Et est-ce que tu as quelques exemples de fraudes qui ont été commises? Oui. Bien, à l'hôpital d'Ottawa, il y a une professionnelle de la santé qui fraudait. En fait, elle fabriquait des données de recherche. C'est beau, ça. Oui. Dans le cadre d'une étude qu'un médecin faisait à l'époque, il y a quelques années, l'employé devait absolument prélever le sang de patients à des moments vraiment très précis pour mesurer l'effet d'un traitement. Mais là, au lieu de remplir sa mission le samedi, comme c'était établi par le protocole, elle s'est jamais présentée à l'hôpital. Ça, elle tentait pas de rentrer le week-end. Donc là, le retour le lundi, elle allait recueillir en douce le sang sur les patients et elle écrivait la mauvaise date sur les fioles, en espérant brouiller les pistes et surtout masquer son absence. Mais ses collègues ont fini par surveiller le réfrigérateur et puis ils l'ont pris sur le fait. Donc elle a été congédiée, sauf que à l'hôpital, la crise a duré pendant plusieurs semaines. Ça a même presque failli ruiner l'étude. Ah bon, OK. Le médecin-chercheur, il a alerté les organisations concernées, puis il a fallu qu'ils reprennent la collecte de données de 40 patients. Donc, c'est une somme de travail qui était colossale et ça s'est étendu sur un an. Et on estime que ça lui a coûté 100 000 $ pour réparer cette erreur-là. C'est quand même pas négligeable. Vraiment pas. L'étude a été publiée dans une revue assez prestigieuse, mais imagine qu'est-ce qui se serait produit si la fraude avait été découverte juste après la publication. Ça aurait été un vrai désastre. Tout à fait. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous raconter? Oui. À l'Université Memorial à Terre-Neuve-et-Labrador, il y a un chercheur qui s'appelle Ranji Chandra. C'est devenu une vedette mondiale, si on peut dire, qui publie des études sur les multivitamines miracles et autres sujets. Il a fait une étude sur 700 bébés, mais qui n'ont jamais existé. et il les a complètement inventés, recopié des séries de chiffres d'une étude à l'autre. L'université a quand même enterré l'affaire pendant 12 ans. Donc, elle était complice, là? Un peu, oui. Ignorant de nombreux dénonciateurs et laissant le professeur empocher une vraie fortune, jusqu'à ce qu'il quitte le Canada en douce en 2002. À la même époque, il y a un chercheur qui s'appelle James Xu qui est entré dans un laboratoire en Alberta en pleine nuit. Lui, il voulait un peu frauder certains résultats. Ben, il a ajouté une substance dans les éprouvettes pour que ses expériences semblent concluantes. Donc, il y a vraiment beaucoup d'exemples. Et toujours selon l'enquête de la presse, de leurs propres aveux, plusieurs scientifiques se font jamais prendre. Okay. Il y a environ 2% des chercheurs sondés lors de l'enquête scientifique qui ont admis avoir déjà falsifié ou fabriqué des données. Et il y en a 9% qui avouent avoir déjà adopté des pratiques, disons, discutables. Okay. Et donc, les scientifiques détestent parler de ces dérives-là en public. On peut comprendre parce que, tu sais, quand même, par crainte là, que la population oublie qu'il y a quand même 90% d'entre eux qui sont rigoureux, qui sont honnêtes. Et honnêtes, c'est ça. Et puis là, ils veulent pas être condamnés, justement. Parce qu'on ne veut pas faire de généralité. Ah oui. Et l'autre problème, c'est qu'au Canada, les universités, elles s'investiguent elles-mêmes, un peu comme la police. Okay. C'est pas une très bonne idée parce que pourquoi, hein? Y a beaucoup, ça fait beaucoup de cas de conflit d'intérêts. Il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Puis souvent, on essaie de régler ça un peu en privé. Donc, en résumé, il n'y arrive rien. Plus la personne, et en plus, plus la personne est investiguée et haut en grade, plus tu peux nuire à la réputation de l'institution. Donc, plus c'est une problématique de rendre ça public. Ouais, tout à fait. Et on essaie vraiment de cacher ça. Hein. Vraiment. À McGill, il y a 13 affaires de fabrication ou de falsification qui ont fait l'objet d'enquêtes depuis 2008. C'est quand même beaucoup. Mais l'institution refuse de faire connaître leur issue et même de fournir la moindre information à leur sujet. Donc, c'est secret d'État. Elle garde aussi secret le détail des sanctions imposées à ces délinquants. Donc, on ne peut rien savoir. Donc, le manque d'intégrité, c'est pas mal dangereux. Les décideurs, là, ils vont se baser sur les données scientifiques des études. Oui, hein? Donc, il ne faut pas que ça soit des études fraudées. C'est ça. Puis surtout, en santé, il suffit qu'il y ait un seul délinquant qui peut causer vraiment plein de dégâts, causer des gros problèmes parce qu'il y a des millions de médecins qui se fient aux études pour traiter leurs patients. Ben oui. Mais la recherche clinique frauduleuse ou mal menée, ben ça peut même tuer. C'est ça, ça a un gros impact, là. Oui. Des jeunes sont justement morts, malheureusement, après avoir attrapé la rougeole parce que leurs parents avaient lu que les faire vacciner, ça risquait de les rendre autistes. Ben, dans la pseudo-étude là, qui portait sur 12 enfants, ben, l'ex-médecin britannique, Dr. Wakefield, avait pourtant déformé le contenu de chaque dossier médical sans exception. Il a caché le fait qu'un avocat lui avait versé plus de 700 000 $ après avoir commandé l'étude pour justifier des poursuites contre les fabricants de vaccins. Donc, c'était un gros truc à ranger. Ouais, c'est un fait. Et malheureusement, ben, y a des jeunes qui sont morts à cause de ça. Ben oui, là, l'impact a été énorme. J'imagine que toutes ces fraudes doivent représenter aussi énormément d'argent, hein, pas rien que des vies humaines. Chaque année, les scientifiques malhonnêtes vont priver la société de millions de dollars, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fraudant. Non seulement tu gaspilles tes propres fonds de recherche, et plusieurs autres scientifiques vont suivre tes fausses pistes. Fait que là, c'est un gaspillage de ressources qui découle, c'est comme un effet domino, en fait. Oui, tout à fait. Mais j'ai une question naïve, Mélanie. Oui. Qu'est-ce qui pousse un scientifique à frauder? Ben, il y a plusieurs raisons. La compétition, qui est vraiment féroce dans le domaine scientifique, l'obsession des résultats, l'insécurité. La pas du gain, évidemment. La recherche du pouvoir et même l'admiration et à plein d'autres raisons que je pourrais encore lister. Sans fond, un chercheur ne peut pas faire rouler son labo. Il ne peut pas même être publié ou être promu. Et comme c'est un peu comme les athlètes qui se dopent. Certains pensent qu'ils peuvent pas réussir, en fait, sans tricher. Qu'il y a comme trop de structures qui encouragent les comportements nocifs. Parce que les taux de réussite de l'ordre de demande de subvention, là, c'est juste 12 %. Ça crée une énorme compétition, puis ça favorise les manquements. Et dans il y a même certains domaines scientifiques là, qui sont extrêmement compétitifs. Le chercheur dont j'ai parlé là, plus tôt, Ranji Chandra, là, qui a inventé des travaux sur les vitamines qui étaient supposément censées repousser la démence, d'après la preuve qui a été déposée parce qu'il y a eu une poursuite en diffamation contre CBC, il espérait réaliser des ventes de 125 millions de dollars. Tantôt, je parlais de la peau du gain, c'est un bon exemple. Mais comment peut-on repérer les fraudes subtiles au milieu d'un déluge de données, parce qu'on en publie des c'est données. C'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui vont dénoncer. Et c'est les gens qui vont dénoncer, souvent, on les fait taire. Oui. J'ai vu des exemples des gens qui avaient des sites Internet. Ils n'ont pas été en ligne très longtemps. OK. Et bien, on essaie toutes sortes de méthodes. Il y a même un nouveau logiciel qui identifie les distributions statistiques qui avaient des chances infimes de se produire sans tricher. Donc là, on va vraiment loin, là. On va dans l'analyse assez poussée. Après l'avoir mis au point, l'anesthésiste John Carlyle a écrit cet été que des douzaines d'études cliniques publiées dans des revues prestigieuses étaient douteuses. Mm-hmm. Fait que ça peut être peut-être un moyen efficace pour soulever des inquiétudes. Il y a, comme je le disais, plein de sites web qui dénoncent des chercheurs délinquants, mais malheureusement, ça arrive souvent que on les ferme parce qu'il y a des pressions qui se font. Uh-huh. On peut comprendre pourquoi. Uh-huh. Et au Canada, pour te donner un exemple, le Québec et l'Ontario, c'est les provinces où on retrouve le plus de chercheurs qui ont été dénoncés aux autorités fédérales depuis 2012. Okay. Donc, comme tu vois, il n'y a personne qui est à l'abri. Ben, heureusement, on est de plus en plus conscient du problème. Il y a même des universités qui forment les étudiants, qui proposent des cours sur l'éthique et qui prônent aussi la dénonciation des fraudeurs parce que c'est vraiment important. La recherche, comme je le disais, il y a des décisions qui sont basées là-dessus. Il y a des vies humaines qui sont basées là-dessus. Et la crédibilité même de la science. Exactement. Aussi. La crédibilité de la science, l'avenir de la science. Parfois, là, quand on pense à ça, ça peut avoir l'air un peu sombre et peu encourageant parce que On veut pas que la pas du gain passe avant la rigueur scientifique. Effectivement. Ben, je trouve que c'est assez troublant et désolé d'entendre ça, mais comme on dit, où il y a des hommes, il y a souvent de l'hommerie. Oui. Merci beaucoup, Mélanie. C'est un plaisir. Nous allons faire une pause publicitaire et on vous revient après avec Yvan Dutille. Restez avec nous.